quand même très rapidement, toute cette dimension-là figure dans le livre. Ça, c'est pas le problème. Hein? Et en tout cas, je veux dire, l'orientation n'est pas du tout sur la déploration, sur la baisse du niveau. Il s'agit d'analyser le mécanisme. C'est ça que j'ai répondu déjà tout à l'heure. Je veux dire, même si le niveau moyen s'améliore, il s'agit d'analyser un mécanisme de sélectivité négative, quel que soit le niveau auquel on fait référence. Maintenant, je vous demande quand même de regarder des faits têtus. En 2006, déjà, c'est la dernière année où c'était mesuré, on délivrait plus de BTS que de DEUG en France. On délivrait un peu plus de 100 000 BTS, 100 000 DEUG, 50 000 DUT. En 2006, la dernière année où c'était mesuré. Donc, il faut prendre... Et pourtant, il y a rentré beaucoup plus d'étudiants en DEUG. Et donc là, ce n'est pas la question de savoir si on met 2, 3 ans, etc. Parce que cet effet de lissage, il est fait. Je vous rappelle simplement le chiffre essentiel que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous demande vraiment de l'avoir en tête. 14% des bacheliers aujourd'hui rentrent dans des formations privées, payantes, en général de bas de gamme, contre 24% qui rentrent à l'université hors médecine pharmacie. Ce chiffre, 14%, il a doublé entre 1996 et 2008. Je pense qu'il faut quand même avoir présent ça à l'esprit. Alors, ça apparaît très général. Je peux vous parler de ce que je connais, moi. Je suis professeur de sociologie à Nanterre. Nous recevons, l'année dernière, 2009, à peu près 300-350 étudiants en première année. Il y en a 150 qui sont présents à l'examen de février, 70 présents dans l'amphi du second semestre, à peu près une cinquantaine de passages en deuxième année. Quand je suis arrivé à Nanterre au niveau de la maîtrise, nous délivrions une centaine de maîtrises à peu près. En sociologie, nous en sommes aujourd'hui entre 20 et 30. Voilà. Ça, c'est une situation que nous connaissons tous. Alors, ne nous voilons pas la face là-dessus. Hein? Et voyons que c'est bien l'université qui est en cause, notamment pour l'ensemble des lettres et sciences humaines et pour l'ensemble des sciences, car allons discuter avec nos collègues de sciences pour regarder combien ils ont d'étudiants. Voilà. Ne nous leurrons pas là-dessus. Si nous voulons protéger un espace universitaire, il faut bien modifier cette mécanique.